morte de ma mère, et bien qu'elle me soit rebelle, j'y veux encore passer demain. Il est tout fleuri de jasmin, au temps de la saison nouvelle, et bien qu'elle me soit cruelle, j'y passe les fleurs à la main. Toucher son cœur inhumain, je chante ma peine cruelle. Et bien qu'elle me soit rebelle, c'est pour moi.